Le MAG, votre rendez-vous 100% Pays Rochois sur Périne FM. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de mon MAG du Pays Rochois. Cette semaine, pour la quatrième année consécutive, le Pays Rochois organise sur son territoire la semaine du compostage. Du 6 au 13 avril prochain, trouvez la solution de compostage la plus adaptée à vos besoins. Pour rappel, composter vos déchets comme les épluchures de légumes peut vous permettre de réduire de près de 20% le volume de votre poubelle, soit presque 60 kg par an et par habitant sur le Pays Rochois. L'objectif, en 2025, plus aucun biodéchet dans votre poubelle, c'est-à-dire de déchets organiques, de restes de repas par exemple. Alors si on commençait maintenant, rendez-vous sur ccpaysrochois.fr pour découvrir le programme complet de la semaine du compostage. Chaque jour, du lundi au vendredi, retrouvez le MAG du Pays Rochois sur Périne FM. Toute l'info et l'actu du territoire. Et en continu sur ccpaysrochois.fr.